Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de l'été. Cette première saison de podcast, Je science donc je suis, se termine avec un jeu réunissant trois membres de l'équipe ainsi qu'un invité surprise. Je suis Béatrice, la maîtresse de jeu, et je suis accompagnée d'Irène et Leïla de l'équipe podcast. Exceptionnellement, nous recevons Anthony, un auditeur assidu pour jouer avec nous. Le principe du jeu est le même que celui du Time's Up, mais en deux manches. La maîtresse de jeu fait tout d'abord deviner des mots à l'aide de leurs définitions sur les thèmes scientifiques variés, ainsi que des mots liés à l'association « Je science donc je suis ». Pour le second round, les autres joueuses et joueurs doivent faire deviner les mêmes mots aux autres en utilisant un seul mot comme indice. Bonne écoute! Bonjour, je suis Béatrice et je suis membre de l'équipe podcast de « Je science donc je suis ». Je suis en master 2 de microbiologie. Je vais tenir le rôle de maître du jeu pour cet épisode. Salut, moi c'est Leïla. Je suis également membre de l'équipe podcast de Je science dont je suis et j'écris aussi des articles pour l'association. Je rédige actuellement ma thèse de traitement du signal à Toulouse. Moi c'est Irène, je fais également partie de l'équipe podcast de Je science donc je suis. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix comme celle de Leïla et de Béa dans Les Voix de la Science et dans Flash Science. Et je fais aussi une thèse en microbiologie. Aujourd'hui, on a un auditeur assidu qui nous a rejoint pour cet épisode un peu spécial. Anthony, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Anthony, je suis infirmier dans un service de transplantation pulmonaire et j'ai aussi accessoirement une licence de biologie. Elle servira à répondre bien aux questions. Du coup, on va commencer par un tour d'entraînement. Donc, le premier mot à deviner, c'est un type de neurone dont la principale fonction est la formation de gaines de myéline qui entourent les fibres nerveuses, donc c'est-à-dire les axones. Vous voyez ou pas dans le neurone l'axone. Qui est-ce qui a mis l'émoji en premier ? Leïla, je pense. Parce que... Ouais, je crois que... Toi, t'en avais mis un, oui, mais c'était avant qu'on pense à la question. Dernier, ouais. D'accord, bah, vas-y Leïla. Je pense qu'avec mes connaissances d'SVT, je peux répondre, non ? Ouais. Je pense que, ouais, c'est des synapses ? Non. Pas du tout ? Non. Bon, c'était le seul mot, je voulais placer celui-là. Non, c'est pas une synapse. Okay. C'est assez précis, hein, c'est... Ah, bah vas-y Irène, alors balance. Moi je pense à cellule gliale, je suis pas sûre. Pas loin. Vous m'avez perdu là. J'en ai une autre si jamais personne ne se lance. Oligodendrocyte ? Oui, c'est ça. Quoi ça ? D'accord, ok. Je pensais que c'était un peu plus connu que ça. D'accord, bon. C'est dur, hein, parce que même en ayant fait de la bio, moi je suis un peu en mode... Vas-y, balance les noms de cellules du cerveau que tu connais. Il y en a une qui sera la bonne, mais j'ai un peu oublié ce qu'elle faisait. Bon, bah tant mieux que j'ai pris celui-là comme entraînement. Ouais, j'espère que... Bon, le reste, est moins précis. Une synapse, c'est une cellule ou pas ? Je ne suis pas pro de neurosciences. Hein. Si Sophia avait été là, elle aurait pu nous informer sur ça. Mais en gros, pour moi, la synapse, c'est l'endroit où il y a la transmission du message nerveux entre un neurone et un autre neurone. Ok, c'est un vide. En gros, c'est là où tu as tes cellules nerveuses qui partent un peu en étoile. Et au bout d'un chemin de la cellule nerveuse, rencontre une autre cellule nerveuse et en fait tu as la synapse qui va être le connecteur entre guillemets où tu as un petit vide avec des échanges d'ions notamment pour transmettre les messages voulus. Ok, c'est ça. Ouais, tu as tout type de neurotransmetteurs qui passent par là. Mais ça aurait été une question pour Sophia mais aussi pour Sania, donc qui est une autre membre de l'association qui bosse elle sur la sclérose en plaques, qui est une maladie où la myéline est particulièrement importante. Ouais, c'était la fin de la devinette. D'accord. Je t'en en parler. J'allais dire, voilà, j'ai fini ta devinette. La gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation et la fréquence des influx nerveux. Une seule de ces cellules est capable de myéliniser jusqu'à 50 axones. Et la dégénérescence de cette cellule joue un rôle dans de nombreuses maladies, dont la sclérose en plaques. Juste pour faire la fin de l'entraînement pour le second round, Leïla, quel mot tu choisirais pour faire deviner le mot oligodendrocyte ? Un mot ? Bah, je dirais sclérose. Bon choix, bon choix, bon choix. C'est le seul truc que j'ai retenu. Ok, et du coup, lorsqu'on fera le second round, je vous donnerai les mots, mais pas dans le bon ordre, évidemment. Vous avez compris le principe ? Yes. Ok. J'ai pas bien compris le second round. En gros, on va faire une fois tous les mots que Béa veut nous faire deviner. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on va refaire les mots, mais évidemment pas dans le même ordre que les premières fois. Mais tu dois faire deviner le mot aux deux autres personnes, donc soit à Leïla, soit à moi, en utilisant un seul mot. Donc là, pour oligodendrocyte, tu peux utiliser le mot sclérose, tu as le droit de dire que ça, et à partir de là, les personnes doivent retrouver de quoi tu parles. Ok. Ok. Le deuxième mot, c'est un terme général qui peut être utilisé dans de nombreux contextes, notamment sur le web, pareil pour les neurones, mais aussi un ferroviaire. Lorsque plusieurs choses et éléments sont liés, ils forment un... Vas-y, Irène. Trafic. Non. Leïla. Réseau. Oui, allez, c'est ça. Bien joué. Ok. Là, c'était pas mal trafic, cela dit. Ouais, c'est ferroviaire. Ah, d'accord. Ouais. Et... ouais, mais sur le web... Oui, non. Robert, tu me diras, moi, j'aurais dit chemin. Mais... T'allais dire réseau, non? Non, j'allais dire chemin. Chemin, oui, pour un chemin. Mais trafic, c'était cohérent aussi, même avec le web et tout. On parle souvent de trafic, quoi, dans ce domaine-là. Ok, je passe au suivant. Vas-y. C'est une association de vulgarisation scientifique, par tous et pour tous. Ouais. Je science, donc je suis. Bien joué. Eh, on voit les fans. On les reconnaît, ils sont là. Ils sont prêts. Ok, je continue comme ça, vous aurez aussi des mots pour second round. Donc voilà, association de vulgarisation scientifique pour tous et par tous. Des vulgarisateurs passionnés de tous les horizons, réunis à travers un but commun, traduire le jargon scientifique en une langue compréhensible par tous et travailler l'esprit critique. Et on fait ça par notamment des articles écrits dans un journal, des podcasts, comme celui que vous écoutez, et des ateliers. Ok, ouais, on a plein de mots là pour la deuxième partie. Alors, c'est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution d'un travail de recherche. Vas-y, Leïla. Un laboratoire? Ouais. Allez, un laboratoire. Et du coup, la fin, c'était, on peut utiliser ce mot, enfin c'est pharmaceutique, de photo ou médical. Ah ouais. C'est vrai qu'on l'utilise partout ce mot finalement, même en photo. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un peu des mots qu'on pouvait retrouver dans différents domaines. La transversalité, Béa. Bah, c'est pour que les personnes qui ne sont pas forcément en biologie ou pas forcément en informatique, etc., puissent aussi trouver le mot. Ouais, c'est cool. Ok, donc on va passer au mot suivant. Alors, appelé parfois constante d'Archimède, il est représenté par une lettre grecque en minuscule. C'est un rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Ouais, Irène ? Pi ? Oui ! En fait, je me suis aussi mis comme challenge de ne pas dire nombre. Ah ouais, bien joué. Donc c'est pour ça. Donc c'est... La constante, ouais. Tu l'as bien détournée. Je ne savais pas qu'on disait constante d'Archimède, par contre. Moi non plus, je ne connaissais pas du tout. Mais merci Wikipédia. Vous avez tous découvert ça, c'est d'accord ? Oui. Pas que moi. Alors la fin, c'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Et donc sa valeur par défaut est à peu près 3,14 en écriture décimale. Vous êtes prêts pour le mot suivant ? Ouais. Oui. Ok. Alors, c'est un terme qui est utilisé en génétique pour désigner une modification irréversible, rare. Ouais. Une mutation ? Ouais, bien joué. Licence de bio. Ouais, non mais franchement, j'ai pris des mots qui étaient assez accessibles. Sauf le tout premier, tu m'as fait peur avec ton tout premier. Bah, en fait, je sais pas, je pensais pas que c'était si précis que ça. Ok, alors la suite. Donc ouais, modification irréversible, rare de l'information génétique qui peut être aussi héréditaire. Cet événement, ce terme, il est utilisé pour refléter ce qui provoque la biodiversité. Et en gros, c'est un moteur, voilà, c'est un moteur de biodiversité. Et du coup, qui participe à l'évolution de l'espèce. Ok. Mot suivant. Une personne qui écoute un discours, une émission radiophonique, une lecture, un récit. Ouais, Leïla ? Du coup, auditeur. Oui, c'est ça. Bien joué. C'était, tu voulais dire auditeurice ou auditeur, ça suffisait ? C'était auditeurice. Ok. J'ai dit une personne. Au début, il y avait écrit un homme sur Wikipédia, et j'étais là, on va être une personne. Une personne. Ok, et du coup, la fin, c'était c'est vous qui nous écoutez et qu'on remercie. Ah, trop mignon. Merci les auditeurs et les auditrices. Ok, vous êtes prêts pour le prochain mot? Ouais. Alors, c'est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Irène? Le Big Bang? Ouais. Waouh! Bien joué. Trop forte. Et franchement, j'ai découvert des trucs. Enfin, là, j'ai pris vraiment tout le texte de Wikipédia, donc je vais juste prendre des parties. Mais c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, le terme Big Bang, à la base, c'était ironique. La première fois qu'il a été utilisé, c'était un peu pour se moquer dans une émission de la BBC. Ah bon? Pour se moquer des scientifiques qui disaient que ça avait commencé par une grosse explosion? Ouais. Bah, c'était un peu, pas pour se moquer, mais c'était ironique, quoi. C'était une blague. Mais je crois que c'était même un astrophysicien ou enfin quelqu'un du domaine qui avait utiliser cette expression pour dire que en fait c'était pas vrai et au final ça a fait un... Oui, il y croyait pas du tout. C'est ça. Et au final ça a beaucoup popularisé l'expression. Ouais. Mais exactement. C'est vrai que ça donne vraiment cette idée de d'un seul coup il y a une énorme explosion et l'univers existe et je pense que... Et ben justement. Enfin, c'est pas tout à fait faux mais c'est beaucoup plus complexe que ce que l'expression veut dire. C'est pas du tout une explosion, c'est juste un changement de... Attends, il y avait un mot précis que je trouvais décrivait bien. C'est un changement d'état. C'est en fait une histoire de chaleur. Et attends, je vais juste lire la petite partie qui explique ça. Le terme de Big Bang, chaud, était parfois utilisé initialement pour indiquer que selon ce modèle, l'univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de chaud était ajouté par souci de précision, car le fait que l'on puisse associer une notion de température à l'univers dans son ensemble n'était pas encore bien compris au moment où le modèle a été proposé. Mmh. Et il y a aussi une référence à Albert Einstein qui aurait pu déduire l'expansion de l'univers. Voilà, c'est le mot expansion que je cherchais. En fait, c'est plus une expansion de l'univers qu'une explosion. Oui, et du coup, Albert Einstein aurait pu en déduire le Big Bang avec ses calculs pour la relativité. Mais... il a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa constante cosmologique parce qu'il était persuadé que l'univers devait être statique. Aïe, aïe, aïe. Il était à ça. Et ça date de quand, le mot Big Bang? Alors, du coup, la première fois qu'il a été utilisé, c'était en 1949. Ok. Mais je crois que la première fois que... Ouais, ça, la première personne à vraiment parler de cette théorie sans utiliser le terme Big Bang, c'était un astrophysicien belge, Georges Lemaître, en 1929. D'accord, ah ouais. Ça prend du temps, hein. Ouais, et encore, enfin, je trouve que ça va... Du coup, ça va hyper vite depuis ce moment-là, quoi. Ouais, dès que c'est accepté, ça s'accélère d'un coup, ouais. Enfin, je pense que beaucoup de choses dont on peut parler ce soir, c'est des choses qui n'étaient pas forcément hyper bien acceptées, genre typiquement les mutations. Nous, on nous apprend très tôt que les mutations, c'est ce qui ça crée de la diversité et après, t'as la sélection, mais ça a été découvert dans les années 40, quoi, enfin, où ça a commencé à se répandre bien plus tard comme paradigme. Et nous, on prend ça pour acquis, alors que c'est hyper récent. Et en même temps, maintenant, on fait des trucs complètement ouf qui étaient probablement inimaginables dans les années 40, quoi. À part, j'étale ma culture. Mais non, mais trop intéressant. Trop bien. Ah mais, moi j'ai adoré préparer l'épisode. T'as dû apprendre mille trucs, toi, t'as dû t'éclater. Au début, je voulais vraiment faire juste des devinettes assez simples avec des mots courants, et puis en fait, en lisant les définitions, je me suis dit non, mais attends, faut en profiter pour faire découvrir à tout le monde, quoi, parce que c'est des mots qu'on utilise régulièrement en science et on voit pas forcément toute la recherche et toute l'évolution de l'utilisation de ce terme et comment est-ce qu'il a été démocratisé. Et voilà, c'est hyper intéressant. Ok, le prochain, c'est une personne. Si vous connaissez pas cette personne, c'est pas grave. Moi, je voulais vraiment mettre cette personne parce que je suis fan. Mais c'est pas grave, si vous la connaissez. C'est qui sa chanteuse préférée déjà? Irène ne nous avait pas dit. Ça peut être un indice. Chanteuse préférée, c'est pas une chanteuse. Ah. Mais je crois que... Attends, il y a Irène qui a mis un... T'as une proposition, Irène, déjà? Oui, j'ai envie de dire Sophia Richard. Non. Qui est la présidente de l'association, donc pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant. Non, c'est pas Sophia, mais je crois que j'en avais déjà parlé lors de Layla, tu sais, je crois que oui, j'avais dit à un moment, on devait choisir une personne qu'on aimait beaucoup, qu'on admirait, et j'avais dit cette personne. Ouais, tu vois, je me souviens pas, c'est dommage, j'aurais dû y prêter plus attention. coup, c'est une femme. Son vrai prénom... Voilà, je vous fais deviner le prénom qui est connu du public. Hein. Mais du coup, son vrai prénom, il ressemble un peu. C'est Hedwig. Je pense que ça se dit parce qu'elle est autrichienne. Elle est née en 1914 et elle est surtout connue pour sa beauté. À la base, elle a été nommée la plus belle femme du cinéma. Ouais. Hedy Lamarr. Oh, mais j'étais même pas arrivée à la partie scientifique. Je trouve tellement l'histoire de cette meuf fascinante. Enfin, du coup, vas-y, mais oui. Bon, bah, okay. Ton admiration. Mais oui, c'est ça. Bien joué. C'est Hedy Lamarr. Donc voilà, son vrai prénom, c'est Hedwig. Et elle est surtout connue pour sa beauté et ses exploits cinématographiques. Elle est actrice et productrice. Enfin, elle était actrice et productrice puisqu'elle est décédée en 2000. Elle a été surnommée The Ecstasy Girl parce qu'elle a tourné dans un film qui s'appelle Extase et c'est la première fois qu'on représente un orgasme au cinéma. Mais elle est aussi inventrice et elle a marqué l'histoire scientifique des télécommunications en inventant en collaboration avec le compositeur, donc compositeur de musique. Hein. Donc elle est actrice-réalisatrice et avec un compositeur de musique, elle va inventer un moyen de coder des transmissions qui s'appelle l'étalement de spectre par saut de fréquence. C'est un principe de transmission toujours utilisé pour le positionnement des satellites, donc les GPS, etc. Les liaisons chiffrées militaires et dans certaines techniques de Wi-Fi. Et en gros, à la base, elle avait créé ça parce que, donc, ça c'était en 1941 qu'elle a fait cette invention, parce que du coup, bah, il y avait la guerre, et c'était pour pouvoir radio-guider des torpilles sans être repéré par les autres personnes. Par les adversaires, c'est fou! C'est ça. Et en gros, elle a déposé un brevet sur cette invention. Mais en fait, elle connaissait pas trop les lois, le fait qu'après 6 ans, ça devient du domaine public. Et elle avait rendu cette invention dès le début, libre de droit pour l'armée des États-Unis, qui ne va pas du tout l'utiliser pendant la première guerre, pendant le début de la guerre. Parce qu'ils vont se dire, ah, c'est trop compliqué, mais ils vont l'utiliser plus tard sans jamais la remercier jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte qu'en fait c'était son invention qui a été utilisée. Et quand elle a essayé de recevoir des royalties, entre guillemets, enfin des... D'être reconnue. Pas reconnue, parce qu'elle a été reconnue au final de son nom, mais elle voulait recevoir des sous, quoi. Ah oui, des bénéfices. Bah c'était trop tard. Oui, des bénéfices, merci. Il y a un prix autrichien qui est à son nom. Ok, au moins ça. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui sont à son nom. Il y a une journée de l'invention, enfin de l'innovation. De l'innovation, ouais, mais dans le sens invention. Un peu concours Lépine, mais c'est le concours, enfin c'est la journée Hedy Lamarr plutôt. C'est ouais. Ça. En Autriche aussi, du okay. Coup. Et je trouve ça hyper cool que cette journée, bah, ce soit au nom de Hedy Lamarr. Il y a quelques années, du coup, anecdote un peu perso, mais il y a quelques années, mon école d'ingénieur voulait, enfin, mon ancienne école d'ingénieur voulait renommer des bâtiments pour qu'il y ait un peu plus de noms de femmes dans les noms de bâtiments, et comme il y a un département télécommunications, parmi les propositions, il y avait Hedy Lamarr comme nouveau nom de bâtiment. Donc on aurait pu avoir un bâtiment, bâtiment Hedy Lamarr, et je trouvais ça assez cool. Finalement, ça s'est pas fait, ça a gardé l'ancien nom, qui est Claude Chap. On est aussi dans les télécommunications, mais ça date un petit peu plus, on va dire. Mais ouais, c'est assez cool de voir qu'elle a gagné pas mal en renommée et en reconnaissance ces dernières années. Enfin, c'est pas longtemps qu'on en entend parler, mais on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Trop cool. Quelle histoire. Petite note, cette invention, elle l'a fait avec le compositeur George Antheil, si je prononce bien. Là, le premier nom sur le brevet, c'est le nom de Hedy. C'est pas le nom de George. Et lorsqu'il a été interviewé et qu'on lui a demandé un peu des infos sur ce brevet, George a totalement crédité Hedy et il a dit que lui, il avait seulement été là pour l'aspect technique, quoi. À l'opposé de ça, bah, on voit Rosalind Franklin. Et donc c'est hyper cool de voir que bah, Hedy, ça a été un peu compliqué, mais au final, bah, comme je le disais, elle a sa place et on en entend parler beaucoup. On passe au mot suivant. Allez. Celui-là, il est facile, hein. Il va falloir être prêt. Plus que pi. Ouais, plus que pi. Alors, je vais commencer par l'étymologie du mot. Ça veut dire petite chambre, local fermé ou caché. Ce mot désigne en général un élément constitutif et relativement clos d'un ensemble ou d'un corps. Ça peut être utilisé dans de nombreux domaines, que ce soit en biologie, en informatique. Ouais. Membrane. Non, mais c'est pas loin. Ouais. Cellule. Oui. Non, je... Merci, <C'est> Anthony. Mais non. Vous êtes allé trop, t'es allé trop loin, Anthony. J'ai dit c'est facile. Ouais, hein. J'allais trop loin, ouais. Non, quand t'as dit membrane, ça a fait tilt. Ouais. Et du coup, la fin, c'était donc biologie, informatique, mathématiques et dans le milieu carcéral aussi. Oui, ouais. Ouais, c'était le dernier indice qu'il a, bon, c'était donné. Ouais, ça quoi. Fait tilt, là. Alors, prochain mot, je vais aussi vous donner l'étymologie. L'origine du mot, c'est escorte, garde. C'est un corps qui peut être naturel ou artificiel. Quand il est naturel, il se retrouve en orbite autour d'un corps plus massif. Ouais. Un satellite ? Oui, bien joué. Allez, Irène. Oh, dis donc, l'astronomie, là, c'est forte. Alors, la biologie, non. Mais les trucs simples, finalement, on est peut-être plus fort dans d'autres domaines, parce que sinon, on va chercher trop loin quand c'est dans notre propre discipline. Genre, biologie, vous êtes allé trop loin, là. Ben, bravo, Irène, en tout cas. Merci. Alors, la fin, c'est du coup, ça, il peut s'agir d'un astre comme la Lune. Si... C'est un corps artificiel, on parle d'un objet d'origine humaine, mis en orbite autour de la Terre ou d'un autre astre. Donc c'était bien satellite. Prochain mot, c'est un ensemble d'individus ou d'éléments partageant une ou plusieurs caractéristiques. Ouais. Un échantillon. Non, pas loin. Une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. Ouais. Une population. Ouais, bien joué. C'est encore la membrane. Tu donnes des indices. Tu donnes des indices. Oui, mais en fait, parce que population, ça peut être utilisé en biologie, pour tout ce qui est génétique des populations, etc. Mais aussi dans tout ce qui est sociologie, démographie. Et, ouais, et ouais. Aussi, du coup, les maths pour les statistiques. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, c'était la fin de la définition. Mais bien cet auditeur assidu nous donne. On va l'employer comme assistant. Ah bah ouais, c'est déjà un peu le cas, faut pas le dire. Ok, alors le prochain, c'est une représentation triangulaire de besoin. Ouais. La pyramide de Maslow. Bien joué. De comment il s'appelle? Maslow. Maslow, ok. Ça a été inventé dans les années 40 par un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow, qui à la base n'avait pas du tout utilisé de représentation pyramidale. Il a écrit un livre où il explique que, en gros, il y a des niveaux de besoins et que pour subvenir aux besoins qui sont en haut de la pyramide, il faut que les besoins qui sont à la base de la pyramide soient remplis dans l'ordre. Donc les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques qui sont donc respirer, boire, manger, dormir et la sexualité. Ensuite, la deuxième étape de la pyramide, c'est besoin de sécurité, donc c'est-à-dire vivre dans un environnement qui est stable, prévisible, sans crise ni anxiété. Ensuite, il y a besoin d'appartenance et d'amour, donc c'est l'appartenance à un groupe, donc c'est tout le fait que l'homme est un animal social qui doit être entouré par d'autres personnes, vive le confinement. Ah ouais, là, la pyramide, elle n'a pas été respectée, hein, par contre. Et qu'on a besoin d'affection. Ensuite, il y a le besoin d'estime. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la confiance, le respect de soi et des autres, le besoin de reconnaissance et d'appréciation. Et le dernier, la dernière étape de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Donc ça, c'est souvent utilisé pour tout ce qui est la satisfaction et le développement personnel. C'est un modèle qu'on m'a déjà présenté aussi, mais j'avais entendu que finalement c'était pas tout à fait à jour et que c'était pas vraiment... c'était pas tout à fait correct. Je sais pas si Anthony, tu connais un peu plus. Nous, dans les sciences infirmières, on utilise plus les 14 besoins de Virginia Anderson qui se basent un petit peu sur la pyramide de Maslow. Du coup, en fait, c'est un peu plus précis. Fait juste deux séparations avec les besoins primaires et les besoins un petit peu secondaires. Donc en fait, c'est un peu par ordre d'importance avec le premier besoin dont je n'ai plus aucune idée. Hein, mais en gros, le premier besoin est le plus important et ensuite, ça va par un peu comme un gradient diluer un petit peu l'importance des besoins, sachant qu'on arrive au le 14e, je crois que c'est se récréer et se divertir, qui sont des besoins moins fondamentaux que s'alimenter et être en sécurité. Donc en soi, c'est assez similaire. Oui, oui, clairement, elle se base sur la pyramide de Maslow. Et en fait, pour le coup, nous, quand on est en soins, quand on s'occupe de patients, on a un peu tout ça en tête, mais c'est pas vraiment... on les classe pas forcément, on ne connaît pas les 14 besoins par cœur, on sait très bien de ce dont a besoin un humain pour vivre. Quoi. Enfin, il faut un peu changer de métier. Oui, c'est ça. Du coup, là, j'ai passé le BAFA dernièrement, et on a justement parlé de cette pyramide, donc, enfin, je sais pas, moi, je l'avais vu en primaire, je vais le voir en primaire où je le voyais pour moi en fait en tant qu'enfant, et le voir ensuite au BAFA en tant que personne qui va s'occuper d'autres personnes, comme toi par exemple pour les soins infirmiers, ça met vraiment en perspective les choses, de voir comment faire en sorte qu'un enfant qui est donc pas majeur, hein, que ce soit légalement ou pas, c'est une personne qui est pas capable de subvenir forcément à ses besoins seuls, de mettre tout ça en perspective, c'était vraiment intéressant, et je trouvais ça bien quand on en parle au BAFA. Le BAFA, juste pour ceux qui savent pas, c'est un diplôme d'aptitude à l'animation, mais plus globalement pour s'occuper des enfants, que ce soit dans les centres aérés, dans les camps de vacances. Voilà. Ok. On passe au mot suivant. Allez. Yes. Il va falloir être rapide. Hein. Oh là là. Attention. Je vois Irène qui est déjà prête. Tout le monde a mis son emoji là, c'est chaud. Ok, c'est un moyen de diffusion sur internet de fichiers audio qui est appelé, ouais, Irène. Le podcast. Oui, bravo Irène. En vrai, tu m'as embrouillée avec internet. Bah parce que c'est souvent utilisé sur internet. Non mais si, c'est très correct, mais je sais pas, ça m'a embrouillée. J'ai voulu chercher trop loin du coup. ça... J'étais en mode blockchain et tout, tu vois. Je sais même pas ce que c'est blockchain. Blockchain, c'est... alors en une ou deux phrases, c'est un gros registre, comme un historique, dans lequel on stocke des transactions. Donc des transactions, ça peut être envoyer de l'argent, envoyer tout ce qui a de la valeur, et c'est-à-dire... un billet de concert nominatif, un billet de train, tu vois, des choses qui sont rares et qui existent en un seul exemplaire que tu peux pas créer comme ça à foison. Et en fait, ça sert à se passer d'autorité qui viendrait dire « Ok, Béa a envoyé 5 euros à Leïla ». Là, il y a aussi Irène et Anthony qui font partie de notre réseau, là, de notre système, et qui sont là pour valider le fait que la transaction entre Béa et Leïla, elle est correcte, qu'elle n'est pas frauduleuse, qu'on n'a pas créé ces 5 euros à partir de rien. Et en fait, ils jouent le rôle d'une banque, sauf qu'ils font aussi partie de notre système. Donc en fait, c'est pour décentraliser l'autorité, c'est pour se passer d'une autorité et être entre nous à se valider nos transactions entre nous. Et par exemple, les crypto-monnaies... donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc., elles sont basées, enfin, elles existent grâce aux technologies blockchain. Donc blockchain, en gros, c'est un gros registre dans lequel on mémorise toutes les transactions qu'il y a entre deux internautes, par exemple. Sachant que le principal objectif de ça, c'est d'être un peu intraçable, hein, donc d'être un peu caché. Mais du coup, c'était pas ça. Du coup, c'était pas ça, c'était podcast. Désolée. Mais merci pour l'explication, Leïla. Parce que c'est vrai que dans le genre mot que j'entends tout le temps, mais que je sais pas ce que ça veut dire. Pour revenir à podcast, la suite, c'était par rapport à comment est-ce qu'on y a accès. Donc, c'est souvent un abonnement, un flux de données au format RSS, ce qui permet aux auditeurs d'écouter des émissions audio ultérieurement à leur enregistrement. Alors, le mot suivant, c'est l'avant-dernier, hein. Donc c'est un langage informatique de programmation beaucoup utilisé et dont le logo est... Ouais. Ah, j'aurais dû attendre le logo. J'allais dire Python. Oui. Oui, c'est Python. Alors vas-y, continue. Non, le logo est jaune et bleu et qui a été inventé par Guido van Rossum, j'espère que je prononce bien, en 1991. Ah ouais, c'est récent finalement. Ouais. Et ouais, ce qui est pratique avec ce langage, c'est qu'il est adaptable vraiment à énormément de types d'utilisation. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est démocratisé aussi vite. Et c'est appelé Python parce que l'inventeur était fan de la série Monty Python. Trop mignon. Mais non. Non mais c'est peut-être le seul truc qui serait capable de me faire aimer Python, c'est de savoir que ça a été inspiré par les Monty Python. Ah je sais pas, moi ça me fascine, j'ai trop envie d'apprendre. Ah je pense que c'est cool Python, mais je pense que j'ai jamais pris le temps de m'investir dedans. Mais après je fais partie des biologistes qui ne jurent que par R, donc bon. Ouais c'est l'inverse, c'est R ou je n'arrive pas quoi. Mais Python c'est cool, effectivement tu peux t'en servir dans plein de systèmes... Et puis c'est assez intuitif, et puis en plus il y a une grosse communauté Python, enfin sur les forums, etc. Tu te fais rapidement aider, il y a plein de gens qui ont eu les mêmes projets ou les mêmes soucis que toi. Et du coup pour progresser c'est ultra cool, il y a la documentation sur le site internet de Python, elle est méga fournie. Et il y a plein d'exemples, de petits tutoriels pour commencer, donc rapidement tu peux faire des petits projets qui t'amusent et après devenir autonome. Donc c'est vraiment puissant comme langage. Mais je crois que c'est un peu similaire pour R, non ? R, c'est surtout très adapté pour les statistiques, faire un peu des figures, mais ouais, c'est bien adapté pour les analyses en bio et en bio-info globalement. Donc. Quand je faisais du R, il y avait vraiment beaucoup de ressources sur Internet. Après, je sais pas si c'est comparable à Python. Après, j'ai pas regardé trop des vidéos d'explication pour R, mais il y a énormément de formations sur les Open Classrooms, sur les FunMook, des choses comme ça, pour R, pour Python aussi d'ailleurs. Je pense que c'est des langages qui sont vraiment faciles et accessibles dans le sens où il y a énormément de ressources pour s'y mettre. Mm. Vous êtes prête pour le dernier mot ? Oui. Enfin, prête. C'est une structure qui permet de stocker et de retrouver des informations structurées ou brutes, souvent en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins reliées entre elles. Je suis perdue là. Vas-y, Irène. Moi aussi, je me dis qu'il faut essayer un truc, je sais pas, un logiciel. Non. Attends, je vais essayer de... Enfin, en fait, là, le mot, il se... Enfin, en gros, c'est en trois parties, le mot. Oui. Une base de données ? Ouais. Ouais, trop fort. Et du coup, j'essaye de mettre ni base, ni données. Ah ouais, c'est pas évident, ouais, c'est là. Compliqué. Ouais, bah c'est ça, c'est base de données. Moi, j'allais dire tableau Excel à un moment. Oui. Ouais, c'est vrai que ça sonne un peu... Mais non, parce que sinon j'aurais parlé de calcul, de formule. Mais ça faisait pas assez stylé, je trouve. Je voulais pas dire tableau Excel, quoi. C'est dommage. Ah oui, mais moi j'étais à deux doigts de dire dossier, hein, donc... Non, après, je voulais donner des exemples, du coup, de base de données. Il y a tout ce qui est NCBI, tout ce qui est PDB, qui sont des banques d'informations. Mais comme c'est que des banques de biologie, je trouvais ça pas très juste de donner ça uniquement comme exemple. Ok, et ben c'était le dernier mot. Félicitations. Alors maintenant, je vais vous donner les mots en message privé et vous allez les faire deviner aux deux autres. J'ai envoyé à Anthony, je crois. Donc là, juste avec un mot, c'est ça ? Yes. Donc vous êtes prête ? Oui. Constante. Oui ? C'est moi ? Ouais. Pi ? Ok, du coup Layla, je te passe le mot suivant. Ok, ready? Oui. Expérience. Je crois que c'est toi, hein, ouais, Anthony. Bah oui, mais laboratoire. Ouais, c'est toi, c'est Anthony. Labo, ouais, c'est ça, bravo. Anthony, je te repasse un mot. Vous êtes prête? Oui. Internet. Du coup, c'est Layla. Réseau ? Ouais. Il y avait plusieurs possibilités là. Mais j'ai pas dit que ce serait facile. Ok, j'ai reçu mon mot. Univers. Vas-y, Irène. Non, c'est Anthony. Ah non, pardon, c'est Anthony encore. Big Bang. Oui. Vous allez super vite. Ouais, c'est clair. Je suis à la passe. Du coup, c'est Anthony, ça ? Ouais. Ah ouais, Béa, faut pas que tu te trompes. Ok, vous êtes prête ? Ouais. Aléatoire. Layla, Non, c'est Leïla. Leïla, ouais. Mutation ? Ouais. T'allais dire ça, Irène ? Oui, oui. Je suis trop dingue de pas avoir. Ça fait deux fois que je trouve pas mutation alors que c'est un peu c'est mon sujet de recherche. C'est bon, vous êtes prêts ? Oui. Invention. J'ai plus le nom déjà. Invention. Oui. Ah, Anthony. Edwige. Yes. Ah ouais, mais non. Bah alors, Irène. Mais je ne l'ai plus déjà. Bah, Irène, je l'ai. Et du lama. Oui. J'étais tellement persuadée que ça allait être un truc vachement spécifique, genre Autriche, Hollywood. Ah oui, c'est vrai, ouais. Du coup, c'est Irène, non? Du coup, oui. Vous êtes prêts et prêtes? Ouais. Oui. Prison. Vas-y, Anthony. Cellule. Yes. Et non pas membrane. Non pas membrane. J'avais encore du sel par rapport à tout à l'heure. Un petit peu. Écoutez. Du coup, Leïla. Podcast? Non. Irène? Pyramide de Maslow. Non plus. Ça pourrait. Non, mais j'avoue, j'ai fait le mot un petit peu, comment dire, un petit peu méchant, mais... Non, mais je trouve ça bien, comme ça, ça laisse... Ouais, c'est compliqué. Écoutez... T'as compris le lien, toi, Béa ? Mmh. Ok. Bah, podcast, c'était pas loin. Leïla ? Auditeur, auditrice ? Ouais. Merci, Béa. Non, de rien. C'est moi qui dis le mot. C'est toi qui dois faire deviner. Enfin, c'est à moi de... Oui. Alors, attention. Sclérose. Ouais, Irène. Non, ah non, Anthony. D'abord. Oui, pardon. Ah merde. C'est oligodendrocyte. Bien joué. Bravo. Oh là là, je suis contente de ne pas avoir eu à le prononcer, celui-là. Est-ce que vous êtes prête? Attends, j'ai pas mis mon emoji. Moi, je suis prête, c'est bon. Carré. Ok. Pyramide de Maslow, je l'ai. Mais t'es trop méchant, pourquoi t'as fait ça? J'ai pensé à ça aussi. Non. C'est pas ça, ah ouais. Non, c'est pas ça. On va nous expliquer après. Hein. Carré. Oui, je vous expliquerai après. Ah, je crois que je vois. Enfin, si je me souviens bien de... Ça se trouve, je suis complètement à côté. Là. Ah, j'ai compris. Oui? Vas-y, dis. Je sors donc je suis ? Ouais. Ouais, JS2, quoi. Le carré du logo. Oui, je sais. Ah ouais, bah attends, je vais te trouver un truc perché, là, tu vas voir. Oui, moi, quand on me donne des mots, je vais pas droit au but. Sinon, j'aurais dit... Mais pourquoi ? Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Je me suis dit, mais non, ça peut pas être ça. Mais non, mais moi je cherche compliqué. J'avoue que j'avais pas compris. Hein. Ah, vous êtes prêts? Et prêtes? Ouais. Ouais. Yes. GPS. Ah, je fais pareil qu'Anthony, hein, c'est pas mon problème. Ah, il a trouvé peut-être. Vas-y. Satellite. Oui. Si vous êtes prêtes, vous me dites. Ouais. Ethnie. Population ? Ouais. Béa, elle s'amuse à faire les liens entre ce qu'on dit et les mots qu'elle nous envoie. Surtout que je suis pas du tout dans les mots de la définition, hein, mais... vous êtes très prête ? Oui. Ouais. Serpent ? Leïla ? Python ! Yes ! Ok, vous êtes très prête ? Oui. Ouais. Le Nil ! Le Nil. Béa, t'as compris? Pour Python, à la limite, j'aurais pu comprendre. Genre très très loin. Mais si, t'as compris, Béa. J'ai compris. J'ai compris. Le Nil. Non mais oui, du coup, bah oui, effectivement. Ouais, genre le cours d'eau, là, le fleuve. Le Python, le Nil. Irène, je crois en toi. Il faut aller de point en point. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme mot tout à l'heure? Déjà, qu'est-ce qu'on t'a fait, Leïla, pour que tu mettes des indices pareils? Allez, Jean Tantin, base de données. Non! Irène, tu vas y arriver. Ah, vas-y. La pyramide de Maslow. Oui! Irène, c'était le moment de sortir. Elle le tente depuis tout à l'heure. Ouais. Bravo Anthony. Elle est en train de se dire comment je peux faire pour que ce soit le plus difficile à deviner possible. C'est clair. Banque. Leïla. Base de données? Ouais. C'est parce que Béa tout à l'heure à la fin de la définition elle a dit banque. Ouais, j'étais à ça de dire Wikipédia hein, mais j'étais pas sûre que ça corresponde. Ok, j'ai le mot si vous êtes ready. Je suis prêt. On est prêt. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, divertissement. Ouais. Podcast. Oui, c'est ça. Je voulais dire meilleur divertissement au monde, mais ça faisait plus qu'un mot. Bah oui, j'aurais dû dire podcast, je science, donc je suis. Ouais, bien sûr. Et bien du coup, c'était le dernier mot. Ah déjà, ça passe vite. Je vais être très honnête, j'avais essayé de keep track des points hein, au début. Puis en fait, vous êtes beaucoup trop rapide. Donc le temps que vous deviniez, que je vous envoie un mot, etc., j'ai pas du tout réussi à tenir compte des points. Donc vous avez tous gagné. Ouais. On a tous la couronne et la faible. Je suis en jeu après la deuxième session. Je vous félicite pour ce fair play, cette participation, ce partage de connaissances. Ben, merci à toi d'avoir préparé l'émission avec plein de plein d'infos, plein de d'anecdotes sur sur Edwige. Mais voilà, et ben j'espère que ça vous a plu à vous et aux auditeurs et aux auditrices. Nous ça nous a plu en tout cas, on espère que c'est le cas pour les personnes qui nous écoutent et, en tant que joueur et merci auditeur. Beaucoup Anthony. Mais non mais encore une fois merci, c'était vraiment cool d'avoir toutes ces anecdotes et du coup, hâte de faire un nouvel épisode avec vous. Parce que faire les épisodes avec les invités ou les flash science tout seul, c'est cool. Mais être ensemble, c'est cool aussi. Et on espère qu'on pourra reproposer ce format aux personnes qui nous écoutent. Mais je me demande si les gens ont trouvé plus vite que nous. C'est possible, au début, là, les définitions. Mais c'est ça, mais c'est, ça c'est tellement ça. C'est la pyramide de Maslow, bon sang. Non, oligodendrocytes, ils vont tellement rire. Mais surtout que c'est le premier, ça peut faire peur. Surtout que c'est le premier, c'est genre bonjour, je place un niveau. Non mais c'est ça, l'échauffement, c'était le mot le plus dur de toute la session. Après ça va, il y avait pi, du coup ça va. Mais... Faut mettre un disclaimer au début. Bon, on commence par oligodendrocytes, mais après ça devient facile, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, on va couper les silences, là. Les gens, ils se rendront pas compte qu'on a bugué 5 minutes sur certains mots. Eh ben, je vous souhaite un super bon été, à vous et aux auditeurices. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances, tout le monde. C'était trop cool cette année de podcast Je science donc je suis. Et on reviendra en force à la rentrée. Bon été, tout le monde. On se retrouve à la rentrée. Et bon été. Je vous écouterai. Yes! Faites tous comme Anthony!